Donc, prendre le temps de s'allonger sur le dos et de porter votre attention sur votre contact avec le matelas. Vous pouvez noter quelle partie de nous, quelle partie de vous est en contact et quelle partie est légèrement écartée de le sol, où il y a un toucher plus léger. Peut-être derrière les genoux, peut-être derrière les chevilles. Et de porter votre attention sur le colonne vertébrale. Et de noter quelles vertèbres sont clairement en contact et quelles vertèbres sont pas en contact. Et peut-être les qualités de contact. Ou tout en bas dans le bassin, on peut peut-être sentir qu'il y a une surface de derrière du bassin, peut-être qu'il y a une légère appui plus sur un côté ou l'autre aussi. Et quand on monte dans la région de le haut du dos, entre les omoplates, dans les côtes. Quelle vertèbre touche là? Et à quel moment les vertèbres de haut de dorsale et les basses de cervicales touchent plus? De porter votre attention sur l'omoplate droite, le contact de l'épaule droite. Quelle partie de l'omoplate est en contact? Et aussi la distance entre le bord intérieur de l'omoplate et le colonne vertébrale. Après, de porter votre attention sur l'omoplate gauche, l'épaule gauche, aussi dans la méthode Feldenkrais, on utilise aussi notre capacité de différencier, de sentir les différences entre les choses, pour apprendre, pour comprendre mieux comment les choses sont en nous, comment on organise le mouvement. Pas juste de comprendre, mais aussi de changer, de transformer sans effort. Et de porter votre attention sur la paume gauche et note les différences entre les deux. Est-ce qu'il y a un qui est plus proche de la colonne vertébrale que l'autre? Notez la distance entre l'épaule et l'oreille. Épaule droite, oreille droite, et l'épaule gauche et oreille gauche. Est-ce qu'il y a un qui est plus proche de son oreille? Et aussi noter la distance entre les deux épaules derrière vous. Et de laisser ça et de plier la jambe droite pour avoir la plante du pied de la jambe droite au sol. Position confortable avec les genoux verticaux. Et avec la main droite, on va aller attraper le omoplate gauche par en bas. Donc tu pas en haut, mais on donne la. Ouais. Tu passes la main en bas, tu attrapes l'omoplate. Et avec la haute main, la main gauche, tu vas croiser la main gauche sur la haute et attraper l'épaule droite avec la main gauche. Vous avez là. Ouais, c'est un peu comme une sorte de câlin simple. Le bras gauche est complètement au-dessus de la. Au-dessus de la bras droite. Et très légèrement, doucement, avec l'aide de la main droite, tu vas commencer de rouler le buste un petit peu vers la droite. Juste c'est comme tu prends les épaules et tu roules un tout petit peu vers votre droite. Et pour pas écraser la main gauche peut lâcher un peu son contact et c'est quand la main gauche on vit un peu traîner au sol pour vers la droite que vous voulez attraper quelque chose. Donc ça glisse un peu plus loin vers la droite et après tu reviens. Et la main. Et la main gauche, quand ça lâche, c'est un peu comme il est souple, et c'est comme si on continue de glisser vers votre droite au sol. C'est quand tu lâches avec la main gauche, et c'est comme si glisser un peu plus loin vers la droite, avec la main gauche, qui traîne au sol, et après tu reviens. Après, tu peux prendre des petites pauses quand, chaque fois que tu reviens pour être simple. Et quand tu reviens au milieu, au nœud, tu peux retoucher l'épaule avec la main gauche et tu peux rattraper doucement, gentiment. Et on continue cette petite expression, la tête peut aussi rouler un petit peu vers la droite. Et la main droite qui a le omoplate gauche, elle peut un peu encourager de se glisser un peu sur les côtes. Et aussi les côtes même peuvent commencer un peu de tourner un petit peu, de rouler le coude de vous vers la droite. La tête peut rouler, de regarder dans la même direction. Il fait simple et il fait surtout doucement, de pas de forcer. On peut noter qu'est-ce qui passe dans les côtes. Et aussi, la main droite est là pour sentir, encourager cette rotation sans le forcer. Mais il est un peu moteur. Et ça, en fait, ça va plus séparer L'omoplate un petit peu de la colonne vertébrale derrière. Très doucement. Et de prendre une petite pause au milieu. Si tu as envie, tu peux mettre les bras dans une position plus confortable. Et de nouveau, de reprendre la même position avec les mains droites qui est en complètement en dessous. La main droite est en dessous. Et cette fois-ci, on commençait de rouler un petit peu les bustes vers la gauche. C'est la main gauche qui va prendre l'épaule droite. On commençait de glisser un petit peu vers la gauche. Et la main droite va lâcher son contact pour qu'il puisse un peu traîner au sol et aller un peu parallèle du sol vers la gauche. Et la tête aussi peut tourner un petit peu, de regarder avec les yeux aussi un petit peu vers la gauche. Et on peut être doux avec cette main gauche qui attrape l'épaule droite. Il est là pour encourager, pour guider le mouvement, initier le mouvement. Dans quelque sens, c'est presque une sorte d'automassage ou de donner un mouvement à nous-mêmes, qui encourageait ce mouvement vers la gauche, en douceur et avec un. Et dans le répétition, dans la méthode en général, on a l'opportunité de varier un petit peu la manière qu'on fait. Par exemple, une fois qu'on roule vers la gauche, peut-être on va guider le mouvement un tout petit peu plus vers le bas, en bas. Et peut-être les prochaines fois un peu plus vers le haut. Et ça peut être une légère change d'angle qui va tourner le côte dans une autre manière, qui ouvre peut-être une autre possibilité. Peut-être une fois on explore, ah, comment le pied droit est en train de participer? Qu'est-ce qui passe dans le bassin? Et principalement dans ce mouvement, on a une idée d'un peu plus différencier le mouvement de le haut du buste du bassin, mais on peut quand même explorer peut-être le bassin et tourner un petit peu le contact est un peu plus léger sur la hanche droite. Et de faire un petit peu dans les deux directions, gauche. Et après droite. On va aller une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Et quand on fait un peu vers la gauche et vers la droite, on peut aussi sentir un peu comment ça roule sur le dos. Et quand on prend une pause, on peut prendre une pause pour longtemps aussi. C'est, on peut vraiment faire une longue pause, une demi-heure de pause. Okay. Et on va prendre une pause et on va allonger les jambes et les bras. Et de nouveau, de porter votre attention sur votre contact avec le sol. Et de noter s'il y a des choses qui ont changé. Ou peut-être c'est pas juste le contact avec le sol, mais peut-être c'est aussi une sensation interne qui est différente des deux côtés. Ou peut-être juste par rapport avec le début de séance, un changement peut-être entre le sens d'espace, le contact avec le haut du torse, le bas du dos. Si vous avez une sensation qui n'est pas symétrique, comment on est avec ça? Est-ce que c'est possible juste de laisser cette sensation exister? Plier les jambes gauches pour avoir la plante des pieds au sol. Et on va de nouveau avec les mains gauches, on va attraper la épaule droite mais par en dessous. Donc on change de manière que quel bras était en haut, quel bras est en bas. Et c'est la main droite qui est en haut. Épaule gauche. Et doucement, on va commencer avec l'aide de la main gauche, on va rouler un petit peu le buste vers la gauche. La main gauche et prendre l'omoplate droite. Et on roule vers la gauche. Et au début, c'est comme nous avons écarté un petit peu la distance entre les omoplates droites et le colonne vertébrale au début, et après, c'est les côtes qui va s'y tourner. Et qu'on roule vers la gauche, on roule vers la gauche, la main droite va lâcher, pour qu'on ne crase pas les doigts. Donc on crée un espace. Et pour un moment, laisse les yeux fixes. Ça veut dire que les yeux continuent de regarder vers le plafond. pour être orienté vers le plafond. Ça veut dire qu'on va pas rouler la tête pour un moment. Donc, on roule un peu les épaules et les côtes un petit peu vers la gauche. Mais la tête, il reste au milieu. Une sorte de différenciation entre la tête et les épaules. Et après, continuer, mais maintenant, avoir les yeux et la tête qui roulent aussi vers la gauche, qui suivent le mouvement du main vers la gauche. Sans se forcer, doucement, et on est plus intéressé par les qualités de mouvement qu'un sens d'étirer ou d'arriver à la fin du mouvement. On est plus orienté vers le mouvement même et pas vers la distance ou l'amplitude du mouvement. Et pour vous, différencier entre la différence de laisser les yeux et la tête aller avec ou de le fixer. Pour vous, c'est quoi la différence pour vous? De prendre une petite pause. On va commencer de la même position avec les bras, la main droite en haut, la main gauche en bas. Et on va commencer de rouler vers la droite. Et c'est possible c'est pas très important qu'on attrape complètement l'omoplate ou l'épaule. C'est plus important que c'est confortable que on fait qu'on attrape complètement. Donc, si c'est trop croisé et ça commence à être coincé au niveau de quelque part, on adapte la position à notre sensation. Et peut-être cette adaptation, c'est parce qu'on avait senti quelque chose pendant la pause. On dit, ah, peut-être j'étais en train d'attraper trop, c'est quelque chose qui passe pas. On fait plus petit, plus change de position de départ. La manière qu'on explore le mouvement. Et même si on n'attrape pas complètement l'omoplate avec la main droite va encourager l'épaule gauche de s'écarter un petit peu de le sol, de glisser sur les côtes. Et de rouler vers la droite. Et les bras, quand les muscles roulent vers la droite, on peut lâcher avec la main gauche pour pas écraser les doigts, pour que ça puisse même qu'on nous envie attraper quelque chose qui était au sol vers notre droite, même un peu glisser au sol, on peut même explorer le toucher du sol un petit peu avec les bouts des doigts, lâcher avec les ongles, peut-être c'est peut-être plutôt des ongles qui glissent au sol, la main est lâchée. Et on peut différencier entre cette L'idée de soi, la tête peut être orientée vers le ciel. Les yeux regardent le ciel. La tête est fixe sans être raide. Et on peut différencier ça avec les côtes et avec les épaules. Et après, on peut tourner la tête avec et les yeux aussi. Et c'est comme les yeux et les mains se réorientent tous les deux vers la droite, comme tu as envie toucher, attraper quelque chose, de le voir en même temps que tu étends les mains. Et la tête peut tourner si loin que c'est confortable. Ça peut être petit, mais ça peut être grand. Si c'est confortable et facile. Et peut-être tu peux sentir avec la main droite qui est sur l'épaule gauche, la relation entre l'épaule gauche et la tête. Peut-être une manière que tu peux sentir comment ça bouge ensemble. Peut-être la main droite peut même guider la tête à partir de l'épaule. Et de continuer en faisant une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Fais les deux directions. Donc on roule le buste une fois vers la droite et après vers la gauche. Et dans ce mouvement qui allait sur un côté et l'autre, pour explorer aussi la forme de le dos derrière, la sensation de contact avec le sol. C'est comme tu as envie de rouler, masser le haut du dos, l'espace entre les omoplates au sol. Il y a un omoplate peut-être fait un petit mouvement d'étirement très très doux entre la colonne vertébrale pendant que les hanches sont un peu massées au sol. Comment vous êtes en train d'engager le bassin? C'est quoi la relation entre ce mouvement de haut avec le bas? Avec les jambes, est-ce qu'il y a une tension dans les jambes? Une utilisation des jambes? Et de laisser ça, d'allonger les jambes et les bras pour une pause. Portez votre attention sur votre respiration. noter de manière que peut-être la respiration change le contact avec le sol, de manière que les côtes bougent derrière. Sensation d'être porté par le sol autrement qu'avant. De laisser ça et de plier les jambes droites. Et de croiser les bras, mais cette fois-ci, c'est la main gauche qui va être en bas et la main droite en haut. La main gauche va attraper l'épaule par en bas et la main droite par en haut. Et de commencer de, on va commencer de faire ce mouvement de aller une fois sur la gauche, une fois sur la droite avec les épaules, comme on avait fait avant. On peut encourager l'épaule à poser, de glisser, rouler, plier les côtes, tourner les vertèbres. Et maintenant, on va commencer que la tête, la prochaine fois, qu'on tourne le buste vers la droite, la tête va rouler dans la direction opposée, vers la gauche. Et quand le buste passe vers la gauche, la tête va rouler vers la droite et regarder. C'est un peu comme tu as envie de regarder derrière toi. C'est un peu cette, tu vois, quand tu tournes la tête pour regarder derrière ton épaule. Et donc, de faire ça doucement, c'est et on est intéressé par l'idée que c'est un mouvement simultané dans le sens qu'au même temps que je suis en train de rouler le buste vers la droite, la tête est en train de rouler, tourner vers la gauche. C'est pas un après l'autre. Et les deux reviennent au milieu ensemble. Et où ils se croisent, et après les autres directions. Et de continuer le mouvement, comme ça, mais de faire de plus en plus petit. C'est comme vous faites presque un mouvement invisible, c'est juste là. C'est comme tu es en train de faire un petit indice caché presque. Et c'est un petit mouvement peut-être pas visible. Mais il est là. Et à partir de ce tout petit mouvement, tu viens vers un moment neutre, un mini pause, et tu repars avec les épaules et la tête dans la même direction, mais commence très petit. Donc les épaules, tu prends l'épaule et roule le buste un peu vers la droite et la tête tourne vers la droite maintenant. Mais comme avant, c'était tout petit. Et quand ça roule vers la gauche ensemble, c'est tout petit. Et de continuer, mais petit à petit, tu peux faire un peu plus grande. Et si c'est confortable, tu peux commencer de faire encore de plus en plus grande. C'est comme vous voulez. Vous pouvez rester plutôt petit. Ok. Et de laisser ça et d'allonger les jambes et les bras et de prendre une pause. Et de plier les jambes gauche. Et de croiser les bras dans cette sorte d'embrasse, de hug, avec les mains droites en bas, les mains gauches en haut. Donc, le bras gauche en haut, les bras droits en bas. Et commencez de rouler les épaules, de prendre l'épaule droite et d'amener vers la gauche, en même temps qu'on tourne la tête dans la direction opposée. Donc, dès le départ, la tête va rouler un petit peu dans la direction opposée. Et après, on roule le buste dans les autres directions. La tête toujours dans la direction opposée. Donc, dans les mouvements de les côtes, les muscles qui va être actifs dans cette sorte de mouvement, c'est les muscles et les mouvements qui aussi participent dans les mouvements de respiration. Donc, de beaucoup de parties de nous, on a les mêmes muscles qui servent à plusieurs choses en même temps. Et vous pouvez explorer la manière que ce mouvement peut changer la forme de votre respiration. La respiration est faite par une forme de on change la forme de notre buste, de notre torse, et c'est ça qui bouge l'air dans tout le processus de respiration. Et on a une forme très particulière, chacun de nous, de former la respiration qui change dans beaucoup des activités. On ne peut pas rester le même parce que le mouvement même change cette forme. Et de commencer de faire comme avant, le mouvement de plus en plus petit. Et avec une sens de fluidité, même si une pause, ça peut être une pause respirant, et de repartir avec la tête qui roule dans la même direction que les épaules. Et on peut explorer de manière que la main qui attrape l'omoplate pour guider l'omoplate de glisser un peu sur les côtes et pour pousser, tirer. Et les formes des côtes et des omoplates, c'est pas droite. En fait, les formes, les courbes des côtes fait que les omoplates, il fait son trajectoire, c'est arrondi sur les côtes. Et même les côtes qu'on s'appuie, en fait, il y a de la rotation des vertèbres, c'est aussi très lié avec un pliage vers le côté et aussi même une légère flexion-extension. Donc les mouvements peuvent être dans beaucoup de dimensions. Les directions, c'est pas juste vers la gauche et vers la droite, mais devant, derrière, haut, bas. Nous pensons maintenant la tête roule avec les épaules dans la même direction. On roule le buste vers la droite, la tête vers la droite, le buste vers la gauche, la tête vers la gauche. Et de laisser ça et d'allonger les bras, les jambes. Portez votre attention sur votre contact avec le sol. Et aussi le sens de distance entre les omoplates. Comment les différents vertèbres sont en relation avec le sol. Ok, de plier les deux jambes, d'avoir la plante de pied au sol, une distance assez proche du bassin pour être confortable, et les pieds légèrement écartés pour comme tu étais debout, pour la position que tu es debout. Et de croiser les bras, comme on vient de faire, tu peux choisir quelle manière de le croiser. Quel bras est en haut, quel bras est en bas. Commencez de rouler le buste, la tête un petit peu vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez avoir la sensation que la main qui est sur l'épaule, il décolle, il aide à décoller l'épaule du sol et aussi il peut accompagner jusqu'au sol et c'est les autres bras qui prennent le relais, ils décollent les autres. Une sorte d'accompagnement doux. Et on peut commencer de sentir aussi que pendant qu'on roule le buste vers la gauche, peut-être aussi, on peut sentir le contact avec le bassin, le dos en général, ça change, et plus des appuis sur la, sur le côté sur lequel on roule, et de l'autre côté, il est plus léger, peut-être le bassin, commencer de, aussi, on peut commencer de rouler un petit peu. Les jambes restent plus ou moins verticales, mais peut-être les pieds peuvent soutenir le mouvement. Parfait. Assez doux. Et on continue ça de faire encore un tout petit peu plus de décoller aussi du bassin, la hanche de le même côté. C'est-à-dire qu'on lève un petit peu le bras droite, en roulant vers la gauche aussi, le côté droite du bassin, il se lève un petit peu pour rouler plutôt vers la gauche. Et après qu'on roule vers la droite, on lève un petit peu plus l'épaule gauche et la hanche gauche. Un petit peu. Et on va explorer une sorte de motilité à partir de ça. Et quand tu roules vers la droite, on lève un petit peu l'épaule gauche et la hanche gauche. Et quand on replace un tout petit peu plus haut dans la direction de la tête. Et quand on roule vers la gauche et on lève l'épaule droite et la hanche droite, ça se lève un petit peu, et après, on le repose un tout petit peu plus haut vers la tête. Donc, l'image que moi, j'ai de ça, c'est comme c'est très lentement si tu imaginais que tu étais au lit, et tu as décidé de, ah, en fait, j'ai envie d'être un peu plus haut dans mon lit. C'est un peu comme on marche avec les épaules et les hanches, mais on fait ça en, c'est plus cette qualité. Si tu as envie, par exemple, toucher le haut de la mat avec ta tête après 10 mouvements, chaque fois, quand tu reposes l'épaule et la hanche, c'est un peu plus haut. Donc, on déplace très doucement sur notre matelas. Et peut-être on peut mettre encore plus d'attention sur la hanche aussi, qui quand ça lève, et c'est comme il a envie, Il va marcher un peu vers le haut de la matelas, un tout petit peu, quand il repose, et après les autres. C'est un peu comme le mouvement, en anglais on a ce mot, like, it's sort of like wiggling a little bit, it's like, oh. Et donc, petit à petit, les pieds restent au même endroit, mais le bassin, petit à petit, il est plus loin des pieds. Il s'éloigne des pieds, petit à petit, le bassin. Et on fait une petite pause là où on est. Et on va commencer de rouler la tête dans la direction opposée du bras. Et maintenant, chaque fois qu'on repose l'épaule et la hanche, on repose un peu plus proche du pied. Donc la tête roule dans la direction opposée. Et on utilise ça pour marcher le bassin, le buste, un tout petit peu plus proche du bassin du pied. Et fait doucement. C'est un peu connu. Oui, on lève un petit peu l'épaule et après qu'on le remplace, c'est juste un tout petit peu plus bas. Qu'on lève la hanche. Après qu'on le replace, on replace tout petit peu plus bas. Et la tête roule toujours dans la direction opposée du buste. Donc on le buste. Il y a une sorte de cohérence entre ce roulement de la tête et le et la capacité de bouger vers les pieds, de poser l'épaule plus et la hanche plus proche des pieds. Et vous pouvez jouer avec ça. Doucement, sans se forcer. Et quand tu arrives un peu plus proche de ton bassin, tu peux changer, pardon, le bassin plus proche des pieds, tu peux changer les bras. Changer les croisements du bras. Et de nouveau, commencer de rouler le buste vers le côté gauche et droite avec la tête dans la même direction. Et d'utiliser ça de marcher avec le bassin et l'épaule plutôt vers le haut de ton matelas. Un peu comme tu en veux, ouais, tu prends l'épaule et tu la places plus haut. Et tu prends l'autre épaule et tu la places plus haut. La tête tourne dans la même direction que les buste. Et quand tu arrives un peu plus haut sur ton matelas, tu commences de tourner la tête dans la direction opposé de ta buste. Quand le buste roule vers la droite, c'est la tête qui roule vers la gauche et il regarde un peu derrière vous et tu replaces plus proche du bassin. Donc, tu utilises ça pour marcher un peu plus proche du pied, pardon. Le bassin marche plus proche du pied chaque fois, l'épaule aussi. Il y a une petite extension dans les genoux, dans quelque sens, que c'est le fémur qui étend un peu vers le bas. Et ça aide à marcher la hanche un peu plus vers le bas, vers en bas. Ok. Et de laisser ça. Et d'allonger les bras, les jambes. De nouveau, on porte notre attention vers notre contact avec le sol. Noter la manière qu'on est avec le sol et comment elle a changé par rapport avec le début de séance. La distance entre les deux épaules. La longueur et le contact des vertèbres. Et la manière que le bassin, le bas du dos est posé au sol. Laissez ça. Et on va voir les effets de ça qu'on est debout. On va rouler sur le côté. Doucement, se mettre assise et après debout. Et quand tu arrives debout si c'est possible d'aller se mettre les pieds plutôt sur le sol que le matelas. Ouais, de se mettre debout sur le sol pour le moment. Et si ça aide de fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux, on reste ouvert. Et de nouveau, de porter votre attention sur votre manière d'être au sol. De manière que les busts, les torses, les côtes sont organisés par rapport avec le bassin. On peut commencer aussi de marcher un petit peu avec ça. Et avec cette idée de noter la manière qu'on est, qui est peut-être pas exactement comme notre habitude. Peut-être notre sensation. Moi, je suis pas vous, donc je sais pas qu'est-ce que vous sentez, mais une possibilité que vous êtes pas en train de être debout et de marcher dans une manière complètement habituelle. Et de essayer de noter c'est quoi cette différence. Et spécifiquement, pour juste un moment, aller vers votre manière habituelle. Donc, il y a, donc, ok, peut-être, oui, on réorganise dans notre manière un peu plus habituelle. Et après, de reprendre cette nouvelle sensation, si elle est là. Juste pour noter, pour étudier un petit peu la différence. Peut-être c'est une manière qu'on est sur le, comme le bassin et le buste sont en relation. Peut-être c'est un truc dans les jambes. Ça va être différent pour tout le monde. C'est juste un petit moment juste de noter et aussi de notre capacité d'aller entre les deux. Ok. Et on va finir avec ça aujourd'hui, pour en termes de la leçon, pour ça.